d'Alfred de Musset, La nuit de mai, lu par Églantine pour audiocité.net. La muse, le poète. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore. Le printemps naît ce soir, les vents vont s'embraser. Et la bergeronnette, en attendant l'aurore, au premier buisson vert commence à se poser. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Comme il fait noir dans la vallée, j'ai cru qu'une forme voilée flottait là-bas sur la forêt. Elle sortait de la prairie, son pied rasé l'herbe fleurie. C'est une étrange rêverie. Elle s'efface et disparaît. Poète, prends ton luth. La nuit, sur la pelouse, balance le zéphyr dans son voile odorant. La rose, vierge encore, se referme jalouse sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Écoute, tout se tait. Songe à ta bien-aimée. Ce soir, sous les tilleuls à la sombre ramée, le rayon du couchant laisse un adieu plus doux. Ce soir, tout va fleurir. L'immortelle nature se remplit de parfums, d'amour et de murmures, comme le lit joyeux de deux jeunes époux. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Qu'ai-je donc en moi qui s'agite, dont je me sens épouvanté? Ne frappe-t-on pas à ma porte? Pourquoi ma lampe à demi morte m'éblouit-elle de clarté? Dieu puissant, tout mon corps frissonne. Qui vient? Qui m'appelle? Personne. Je suis seul. C'est l'heure qui sonne. Ô solitude! Ô pauvreté! Poète, prends ton luth! Le vin de la jeunesse fermente cette nuit dans les veines de Dieu. Mon sein est inquiet, la volupté l'oppresse, et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu. Ô paresseuse enfant, regarde, je suis belle. Notre premier baiser, ne t'en souviens-tu pas? Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile, et que les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras. Ah, je t'ai consolé d'une amère souffrance. Hélas, bien jeune encore, tu te mourais d'amour. Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance. J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour. Est-ce toi dont la voix m'appelle, ô ma pauvre muse, est-ce toi? Ô ma fleur, ô mon immortel, seul être pudique et fidèle, où vive encore l'amour de moi? Oui, te voilà, c'est toi ma blonde, c'est toi ma maîtresse et ma sœur, et je sens dans la nuit profonde de ta robe d'or qui m'inonde les rayons glissés dans mon cœur. Poète, prends ton luth, c'est moi ton immortel qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux, et qui, comme un oiseau que sa couvée appelle pour pleurer avec toi, descend du haut des cieux. Viens, tu souffres, ami, quelque ennui solitaire te ronge, quelque chose a gémi dans ton cœur, quelque amour t'est venu, comme on en voit sur terre, une ombre de plaisir, un semblant de bonheur. Viens, chantons devant Dieu, chantons dans tes pensées, dans tes plaisirs perdus, dans tes peines passées. Partons dans un baiser pour un monde inconnu. Éveillons au hasard les échos de ta vie. Parlons-nous de bonheur, de gloire et de folie. Et que ce soit un rêve et le premier venu. Inventons quelque part des lieux où l'on oublie. Partons. Nous sommes seuls, l'univers est à nous. Voici la verte Écosse et la brune Italie, et la graisse mammaire où le miel est si doux. Argos et Ptéléon, ville des hécatombes, et Messa la divine, agréable aux colombes, et le front chevelu du Pélion changeant, et le bleu Tithérèse, et le golfe d'argent qui montre dans ses eaux où le cygne se mire, la blanche Holoossone à la blanche Camire. Dis-moi, quels songes d'or nos champs vont-ils bercer? D'où vont venir les pleurs que nous allons verser? Ce matin, quand le jour a frappé ta paupière, quel séraphin pensif, courbé sur ton chevet, secouait les lilas dans sa robe légère, et te contait tout bas les amours qu'il rêvait? Chanterons-nous l'espoir, la tristesse ou la joie? Tremperons-nous de sang les bataillons d'acier? Suspendrons-nous l'amant sur l'échelle de soie? Jetterons-nous au vent l'écume du coursier? Dirons-nous quelles mains, dans les lampes sans nombre de la maison céleste, allument nuit et jour l'huile sainte de vie et d'éternel amour? Crierons-nous à Tarquin, il est temps, voici l'ombre! Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers? Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers? Montrerons-nous le ciel à la mélancolie? Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés? La biche le regarde, elle pleure et supplie. Sa bruyère l'attend, ses fangs sont nouveau-nés. Il se baisse, il l'égorge, et jette à la curée sur les chiens en sueur son cœur encore vivant. Peindrons-nous une vierge à la joue empourprée, en allant à la messe, un page la suivant, et d'un regard distrait, à côté de sa mère, sur sa lèvre entr'ouverte, oubliant sa prière, elle écoute en tremblant dans l'écho du pilier résonner l'éperon d'un hardi cavalier. Dirons-nous aux héros des vieux temps de la France de monter tout armés au créneau de leur tour et de ressusciter la naïve romance que leur gloire oubliée apprit aux troubadours? Vêtirons-nous de blanc une molle élégie? L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie et ce qu'il a fauché du troupeau des humains avant que l'envoyé de la nuit éternelle vînt sur son tertre vert l'abattre d'un coup d'aile et sur son cœur de fer lui croiser les deux mains? Clouerons-nous au poteau d'une satire altière le nom sept fois vendu d'un pâle pamphlétaire qui, poussé par la faim du fond de son oubli, s'en vient tout grelottant d'envie et d'impuissance sur le front du génie insulter l'espérance et mordre le laurier que son souffle a sali? Prends ton luth, je ne peux plus me taire. Mon aile se soulève au souffle du printemps, le vent va m'emporter, je vais quitter la terre. Une larme de toi, Dieu m'écoute, il est temps. S'il ne te faut, ma sœur chérie, qu'un baiser d'une lèvre amie et qu'une larme de mes yeux, je te les donnerai sans peine. De nos amours qu'ils te souviennent si tu remontes dans les cieux. Je ne chante ni l'espérance, ni la gloire, ni le bonheur. Hélas, pas même la souffrance. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau? Ô poète, un baiser, c'est moi qui te le donne. L'herbe que je voulais arracher de ce lieu, c'est aux oisivetés. Ta douleur est à Dieu. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir, cette sainte blessure que les noirs séraphins t'ont faite au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Mais pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, que ta voix, ici-bas, doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux,